Suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Janjike réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a l'histoire du féminisme, et puis ces féminismes noirs et francophones dont on ne dit pas l'histoire, alors que toutes ont besoin d'images pour se trouver, y compris dans la pop culture. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui se questionne, une cinéaste qui se définit, une militante autodéterminée, une féministe qui s'est identifiée, une journaliste qui a reçu un témoignage et un auteur féministe. Ensuite, le décor. Paris, la voix d'Aya Nakamura, des modèles, une chanteuse victorieuse, un festival, la misogynie noire, les paradoxes, la peur, la sexualité, des hashtags contre les violences faites aux femmes, la non-mixité, la guerre et des vœux. Aujourd'hui, 4e épisode, on cherche à répondre. Être afroféministe, c'est partir de sa réalité de femme noire, être fière d'être une femme noire et célébrer finalement tout ce que l'on peut mettre en place dans sa vie pour accéder à l'égalité et à la justice. C'est vraiment porter en nous des combats à différents niveaux de notre vie, que ce soit à l'école, dans notre vie de maman, de tantine, de grande sœur. Les gens pensent souvent que être afroféministe, c'est être contre le féminisme, en tout cas contre une certaine idée du féminisme. Mais voilà, moi je mets le mot afroféministe parce que la lutte que moi je mène, les problématiques dont je discute et les oppressions, les discriminations contre lesquelles je veux me battre, ce sont celles qui sont spécifiquement faites aux femmes noires, que ce soit dans leurs communautés respectives ou en dehors de ces communautés en fait. Moi c'est le terme qui me va à moi. Le préfixe afro parle des diasporas noires, mais aussi du continent, parce que dans afro, il y a Afrique, etc. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est dans ce sens-là que je le pense, dans le sens que c'est une façon de mêler mon féminisme ou mes féminismes, mon identité de femme noire, et aussi la dimension panafricaine, c'est-à-dire d'essayer d'avoir des conversations au sein des diasporas et avec le continent. Donc voilà, l'afroféminisme, pour moi, c'est ça, c'est un endroit où je peux m'exprimer politiquement sans avoir à occulter certaines de mes identités. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé. J'ai beaucoup voyagé pour les besoins de mes activités professionnelles. Partout où j'arrivais dans le monde, lorsqu'on me demandait d'où je venais, je répondais que j'étais parisienne et ça suscitait toujours alors une suite de réactions plus enthousiastes les unes que les autres. À Paris, en revanche, ma ville d'adoption depuis plus de 40 ans, lorsque je répondais que j'étais parisienne, à celles et ceux qui me demandaient « tu viens d'où ?» invariablement, la réponse qui suivait était « mais non, mais en vrai, tu viens d'où ?» Parisienne à Londres, Milan, New York, Rio, Stockholm et même à Yaoundé, j'étais noire à Paris et juste noire. Si Paris était une femme, visiblement, elle n'avait pas mes traits. Pourtant, Joséphine Baker le disait, « Paris, c'est une femme. » Mais comme souvent, pour ce qui est de la représentation pour les femmes noires, certaines appartenances apparaissent plus légitimes que d'autres. Puisque Paris, c'est une femme, Paname, appelez donc Paris, Paname, Paname, Paname, c'est un joli miroir qui sait prendre parfois l'air d'une reine, Paname, avec des airs de grande dame, Paname. Tu es le chic, tu es la femme, Paname, Paname. Pour un simple refrain, tu anoblis quelqu'un et tu l'acclames. C'est ça qui fait Paris, Paname, Paname, Paname, Paname, Paname, Paris, Paname, Paris, Paname. En 2017, à l'occasion du festival européen Nyon Sapo, le terme afroféministe fait une apparition remarquée dans l'espace médiatique français. Et comme souvent, lorsqu'il s'agit d'un terme en rapport avec des personnes noires, et particulièrement des femmes noires, une généralité ne tarde pas à être de mise. Il est entendu que partageant la même complexion, toutes les femmes noires seraient afroféministes, forcément. Mais à bien y réfléchir, toutes les femmes noires sont-elles féministes Et toutes les féministes noires sont-elles afro-féministes ? Waouh, ça c'est une sacrée question. Sharon Omancoy, 35 ans, afro-féministe, travailleuse sociale dans une association de lutte contre le VIH et en formation de conseillère conjugale et familiale. Je pense que toutes les femmes noires sont féministes. Après, est-ce qu'elles se définissent comme afro-féministes ? Est-ce qu'elles se définissent même comme féministes ? Moi, je laisserai à chaque femme la possibilité de s'autodéterminer. Je pense que dans la question du féminisme, il y a aussi cette question de l'autodétermination, de se réapproprier sa narration, son corps. Nous ne sommes pas un groupe homogène parce que nous sommes noirs. Donc, comme chez toutes les femmes, il y a des différences. Et je pense que c'est aussi une chose à laquelle on doit réfléchir en tant que femme noire. Amandine Gay, 36 ans. Je vis à Saint-Denis. Je suis réalisatrice, autrice et afroféministe. Même au sein de la classe des femmes noires, bah bien sûr qu'on n'appartient pas toutes aux mêmes classes sociales. On n'a pas toutes les mêmes origines, on n'a pas toutes les mêmes droits en termes d'accès à la citoyenneté, etc. Et donc déjà, on va dire à ce niveau un peu de base, on est toutes très différentes, on est un groupe hétérogène. Donc chez les femmes noires, il y a des femmes noires féministes, il y a des femmes noires qui ne sont pas féministes. Moi, je pense que c'est hyper important de réintroduire cette notion que nous sommes des groupes hétérogènes et que encore une fois, dans cette hétérogénéité-là, il y a des choses à aller piocher un peu partout, plutôt que de se dire on est des noirs et on va aller tous lutter ensemble sur la même chose tout le temps en permanence. Ça ne fonctionne pas et ça c'est effacer au contraire une part de notre humanité aussi, parce que l'hétérogénéité et la diversité d'un groupe donné, c'est ce qui fait son humanité. Sinon, on n'est pas des êtres humains, on est une espèce de, concept, on est réifié, on n'est plus des personnes. Et donc moi, je suis d'abord un être humain, et donc je veux qu'on valorise ma possibilité d'avoir une pensée autonome, un agenda qui m'est propre, etc. Et je veux ça pour les autres aussi. De même que toutes les femmes noires ne sont pas féministes et toutes les féministes noires, les afroféministes, nous pouvons aussi être noires et ne pas aimer Beyoncé. Bien sûr, on peut être une femme noire et ne pas aimer Beyoncé. Bintou Mariam Traoré. D'ailleurs, moi, je ne pense pas nécessairement que ma mère aime Beyoncé. Franchement, je ne pense pas que ma mère ou que d'autres mères aiment Beyoncé. Je ne pense même pas qu'elles se rendent compte de ce que Beyoncé représente pour le monde en termes de représentation. Non seulement on en a le droit, mais je pense que par rapport à beaucoup de choses qui tournent autour de certaines stars américaines, il y a une responsabilité, je pense, de tout un chacun de décider de qui nous soutenons et qui ne nous soutenons pas. Diakoumba Gassama. Vraiment, je ne vois pas en quoi on doit s'assigner. C'est tellement primaire d'estimer qu'un groupe entier de personnes doit avoir les mêmes goûts, surtout en termes d'une chose aussi merveilleuse que la musique. En tant qu'artiste, c'est énorme ce qu'elle fait. Donc j'ai beaucoup de respect pour la professionnelle qu'elle est. Pamela Ohene-Nyankon, 30 ans, féministe. Je vis à Vevey en Suisse et je suis historienne. Maintenant, je trouve qu'on lui donne beaucoup trop de crédit pour tout ce qu'elle fait. Et franchement, non, là, il y a plein d'autres femmes que je trouve personnellement très très inspirante et puis qui mériterait qu'on les mette un peu plus en avant. J'aime son éthique de travail en tout cas, moi c'est surtout ce que je respecte chez elle. Paola Audrey Ndengue, 31 ans, féministe, je vis à Abidjan et je suis animatrice télé et marketing manager. C'est vraiment une éthique de travail plus qu'autre chose qui je pense du coup n'est même pas genrée en fait. L'excellence dans son domaine d'activité n'a pas de genre. On a le droit de pas aimer Beyoncé. En fait, Beyoncé c'est l'artiste noire la plus connue au monde. Aïchatou Attara, 37 ans, afroféministe. Je vis en Belgique et je suis juriste de formation. Il y a énormément de femmes qui se retrouvent dans ce qu'elles représentent en termes de pouvoir, en termes de beauté, de musique. Mais en fait, la féminité noire que Beyoncé représente, toutes les femmes noires ne se reconnaissent pas là-dedans, en fait. Et heureusement, parce qu'en fait, il n'y a pas une féminité noire, il y a des féminités noires. Et donc, si une grande partie des femmes ne se reconnaissent pas en Beyoncé, ben, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, l'importance, c'est la pluralité des expériences des femmes noires. Nous sommes noires, nous sommes des femmes. Nous partageons certaines choses en commun à cause de notre condition, mais nous sommes aussi des individus à part entière, avec nos parcours, avec nos vécus, avec nos trajectoires personnelles, qui font que, effectivement, on n'a pas forcément toutes les mêmes goûts, toutes les mêmes aspirations, toutes les mêmes visions. J'ai pas compris la question. Pourquoi on ne devrait pas aimer Beyoncé ou pourquoi quel rapport entre sa musique et le fait qu'elle soit noire ou autre? Je sais pas. Je sais pas. Jaili Amadou Amal. Bon, je suis une femme noire, métisse. J'aime Beyoncé. Ou du moins, j'aime la musique de Beyoncé. J'aime Céline Dion, j'aime Amel Ben, j'aime Oumou Sangaré. Je sais pas, j'aime les hommes, les femmes qui font de la musique que j'aime. Je les juge pas par rapport à leur couleur de peau. Je juge leur musique, j'aime ou j'aime pas, c'est tout. Il y a beaucoup de femmes noires qui font de la musique, je déteste leur musique. C'est mon droit le plus absolu. Et je ne devrais pas avoir à me préoccuper de la couleur de l'artiste, tout simplement. Alors moi, je suis noire et j'aime pas Beyoncé. Donc, voilà. Je pense que toutes les femmes noires ne sont... Évidemment, vous n'êtes pas obligées d'aimer Beyoncé. Moi, j'ai un respect. En tant que féministe, en tant qu'afroféministe, j'ai un respect pour ce que les femmes noires peuvent accomplir, et notamment dans la pop culture et l'industrie. Je reste respectueuse de ça et de ce travail-là, parce que c'est aussi un patrimoine, mais c'est important aussi de pas toujours iconiser les gens, et c'est important que les femmes noires trouvent leurs propres icônes qui peuvent être aussi beaucoup plus proches d'elles, en fait. J'avoue que je suis assez mitigée par rapport à la pop culture et à l'imagerie des femmes noires qu'elle renvoie. Après, ce qui est aussi quand même le cas dans la pop culture, et c'est pas un jugement, c'est plutôt un constat, c'est qu'on reste quand même dans la plupart du temps des femmes qui ne portent pas nécessairement leurs cheveux naturels, qui sont très maquillées, qui jouent de leur sensualité, des fois même de l'hypersexualisation. Donc c'est vrai que la pop culture permet certaines choses en termes d'émancipation selon la personne dont on parle. Il y a quand même un phénomène justement de pop culture qui fait que pour que ces artistes-là atteignent aussi les niveaux qu'elles atteignent, bah il y a certains codes qu'elles reproduisent, alors soit parce que c'est leur choix, soit parce que si elles le font pas, elles arrivent pas là où elles devraient être, où elles veulent être. Donc voilà, il y a un peu cette ambivalence avec la pop culture. Moi, je sais que, à titre personnel, quand j'étais jeune, bah voilà, Beyoncé, c'était une icône. Ça m'a aidé à faire sens de moi en tant que métisse dans un environnement qui était très blanc. Mais, je me suis suridentifiée à ce genre de femme. Alors, il y avait Beyoncé, mais il y avait aussi les Mary J. Blige. Et c'était l'époque où elles étaient toutes blondes, quoi. Donc, je me faisais des rajouts blonds. Il fallait être blonde. J'étais claire de peau, donc ça passait bien. J'avais des formes, donc ça passait bien. Et en fait, c'est plutôt quelque chose qui, à terme, a fait que j'étais pas moi-même, en fait. J'étais pas moi-même si j'étais pas dans une forme d'hypersexualisation et de travestissement de moi-même. Donc, c'est ensuite d'autres icônes musicales qui ont participé, ou d'autres icônes culturelles qui ont aussi participé à me dire, bon, bah, en fait, on peut aussi être dans une beauté qui est juste celle qu'on habite, en fait, et puis être valorisé. La lauréate de cette victoire de la musique révélation féminine est attribuée à Isolde. Isolde. Le chemin est long en tant que femme noire. Victoire de la musique. Le chemin est long en tant que femme grosse. 2021. En tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. Être vu en ses propres termes. Se voir briller. Juste exister. Et prétendre à être une artiste comme une autre relève encore d'une conquête de haute lutte pour les artistes noires féminines. Dénigrées par des attaques sexistes, racistes ou coloristes, en fonction de la teinte plus ou moins foncée de leur carnation noire. Elles sont la cible privilégiée de la misogynie noire, particulièrement dans la musique et la culture au sens propre. Symptôme du patriarcat et du racisme, la misogynie noire est un concept inventé par la queer noire féministe Moya Bailey, qui dépeint une misogynie dirigée spécifiquement envers les femmes noires, dans laquelle la race et le genre jouent un rôle simultané. Elle peut émaner aussi bien des hommes noirs que des femmes et des hommes d'autres cultures. En gros, d'un peu toutes celles et ceux trouvant à redire au comportement supposé ou affiché d'une femme noire. Cette misogynie spécifique est particulièrement à l'œuvre lorsqu'il s'agit de l'expression de leur sexualité par des femmes noires. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est pas la base, aïe aïe. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes mes positions préférées. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est pas la base, aïe aïe. Dans ce domaine, la personne peut me déléguer. Ouais, toutes les positions préférées. Quand on voit en fait la trajectoire d'artistes pop blanches, elles ont tout eu. Leur album, ouais, elle parle de sexualité. Jennifer Padjemi, journaliste et autrice. Et en fait, on voit bien que souvent, la sexualité qui est apposée aux femmes noires, elle rentre dans deux cases. Soit on nous désexualise complètement, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, en fait, d'être épanoui sexuellement, on ne nous voit pas comme des êtres sexuels ou comme des personnes qui peuvent être actives sexuellement. Mmh. Ou soit c'est l'exact opposé. Okay. Donc, très sexualisé, la panthère, avec tous les stéréotypes qu'on peut avoir issus du colonialisme et de l'esclavage. Et en fait, cet entre-deux n'existe pas. C'est comme si on n'avait pas le droit d'être à la fois des personnes actives sexuellement, mais qui n'ont pas toujours besoin d'en parler, mais qui, parfois, on a aussi envie d'être sexy ou de revendiquer cet épanouissement sexuel. Quand j'entends justement cet album d'Aya Nakamura, je suis hyper contente et je me dis, j'espère qu'elle va encore continuer. Si son prochain album, elle a vécu d'autres choses qui ont façonné son expérience, peut-être qu'elle chantera sur autre chose. Si elle a encore exploré des choses sexuelles, peut-être qu'elle le chantera. Mais c'est bien aussi de pouvoir voir une artiste évoluer. S'y voir sur le devant de la scène des femmes noires créant leurs propres espaces, hors des cases prédéfinies, peut être source d'inspiration pour d'autres femmes noires. Qu'en est-il de la contribution de ces artistes au paysage culturel et sociétal actuel ? Je pense que ce qu'elles apportent, c'est une pluralité, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres, et qu'elles arrivent à renouveler le paysage médiatique. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, finalement, de voir des femmes noires réussir dans ce domaine, mais ça l'est en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, elles sont souvent aussi assignées à des cadres très précis. Voir une Aya Nakamura, une Luzen de Yakuza, une Iseult prendre la place qu'elles méritent, c'est aussi une forme de renouvellement et une forme de révolution. Quand on voit comment toutes ces artistes prennent de la place, c'est-à-dire qu'elles sont fières de ce qu'elles sont, elles peuvent être sexy, elles disent même ce qu'elles pensent. Et c'est en ça qu'il faut comprendre que l'impact qu'elles auront sur des petites filles ou sur des adolescentes va compter. Moi, en grandissant, c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris de cette manière. C'est que je pensais que les artistes noirs étaient linéaires. Et aujourd'hui, enfin, je vois de la pluralité. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et sur le continent africain, quels sont les artistes féministes qui changent la donne ? La problématique, c'est que le féminisme sur le continent africain n'est pas exactement au même niveau que le reste du monde. Déjà parce qu'ici, il y a un vrai débat déjà autour de la définition du féminisme, ce qui n'est plus le cas nécessairement dans le monde occidental. Et aussi parce qu'on a une espèce de recherche d'une identité africaine dans le féminisme. Alors celles qui s'affirment de manière très forte dans le féminisme, soit sont quand même d'une certaine tranche d'âge, je dirais dans la catégorie des Angélique Kidjo, etc., qui militent pour le droit des femmes depuis un moment. Mais dans la génération plus actuelle, c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours pro-femme, mais pas forcément dire ouvertement « je suis féministe ». C'est encore très, très, très minoritaire. Limite, quand vous dites que vous êtes féministe, c'est presque dire que vous êtes terroriste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la même crainte. Pour moi, celle qui incarne vraiment ces contradictions ou ces paradoxes-là, c'est Tiwa Savage. Une artiste nigériane, on la compare très souvent à Beyoncé, une espèce de Beyoncé africaine. Elle est une des rares femmes dans le milieu de l'afrobeat à quand même avoir des cachets quasiment au même niveau que le top 3 des artistes masculins. Mais n'empêche que, en 2018 par exemple, elle a fait une interview où elle disait qu'elle n'est pas féministe et qu'elle considère que c'est l'homme qui domine dans le foyer. Donc ça, par exemple, ça prouve l'espèce de contradiction qui est, enfin, très très répandue. Hein, c'est de dire, on affiche une volonté de s'émanciper, d'avoir une forme d'autonomie à la fois professionnelle, financière, etc. Mais par contre, on sort pas non plus trop du cadre. On se rappelle quand même que la femme est, entre guillemets, un peu de manière inhérente inférieure à l'homme. Et donc, il faut quand même préserver la place de l'homme. Donc, on s'émancipe, mais pas trop. D'autres artistes sur la question de la sexualité, c'est encore un des paradoxes, vont être très très très explicites sur ces sujets-là, un peu moins sur les droits des femmes, mais beaucoup plus par exemple sur le droit au plaisir. Dans le pays voisin, le Cameroun, il y a par exemple un genre musical qui s'appelle le bikutsi, et qui est un genre musical qui date, hein, qui remonte quand même, qui est lié aux traditions, notamment les populations du centre du pays. Et c'est un genre musical qui est quand même pas mal dominé par les femmes, où la sexualité est extrêmement présente. Et je pense notamment à une chanteuse comme Katino, qui est un peu une des doyennes, des pionnières de ce genre musical-là. Et il y a elle, il y a Mani Bella, il y a toute une flopée de chanteuses comme ça du mouvement Bikutsi, où elle chante ouvertement la sexualité. Elle chante ouvertement le fait que, par exemple, si un homme n'arrive pas à les satisfaire, elles vont en prendre un autre. Enfin, c'est très... Elle titille la virilité, la masculinité comme ça, en mettant en avant, elle, leur désir. Et ça, par exemple, c'est très paradoxalement, en même temps, c'est accepté. C'est très populaire en termes de musique, mais par contre, si elles essayent, par exemple, de, entre guillemets, un tout petit peu politiser justement cette question des droits des femmes, là, par contre, elles vont se faire taper sur les doigts. Donc, on est vraiment sur un féminisme dans la pop culture ici qui est très, très contradictoire, parce qu'en fait, le y a encore un flou qui existe dans le domaine. La pop culture pourrait-elle prétendre être l'avenir du féminisme ? L'avenir, non. Donc non, et j'espère pas d'ailleurs que ça l'est. Par contre, ça peut être un détonateur, ça peut être un facilitateur, un accélérateur. Parce qu'encore une fois, on sait le pouvoir de la culture, de la représentation, etc., sur des canaux de masse. On sait que ça participe, on sait que ça accompagne, on sait que ça parfois même provoque des changements de mentalité. Donc très clairement, je crois au pouvoir de la pop culture pour accompagner cette transformation-là, qui de toute manière, je pense, est en cours. Sur le continent, on peut avoir peut-être l'impression que les choses ne vont pas très rapidement, mais à quelques petits détails, quand même, on se rend compte que sur certaines choses, on peut avoir régressé, mais sur d'autres, clairement, il y a des choses que l'on voit sur nos écrans aujourd'hui qu'on n'aurait pas vues il y a 5 ou 10 ou 15 ans. Donc clairement, je pense que la pop culture, de toute manière, en tant qu'un peu reflet de la société, va clairement y participer, oui, ça c'est sûr. Aïssa Maïga, Montée des Marches, Cannes, 19 mai 2018. J'ai eu envie de réunir des témoignages de femmes noires, françaises, pour qu'on raconte ensemble, de façon totalement solidaire, ce qu'on vit dans le cinéma français. parce que nous sommes pleines d'espoir, pleines d'envie, nous sommes professionnelles et pourtant nous subissons une situation qui est rétrograde dans laquelle nous avons accès à des rôles stéréotypés la plupart du temps ou alors nous sommes totalement invisibles. Et donc c'était une façon de parler de la diversité et de toutes les diversités et de toutes les femmes, pas uniquement les femmes noires. La Noire 2, Johanna, 1966. C'est ce matin-là que tout commença. C'était à Dakar. J'ai du travail chez les Blancs. Je m'en vais en France avec ma patronne. Bissine Thérèse Diop est la première actrice noire africaine à jouer le rôle principal d'un long métrage. C'était en 1966, dans La Noire 2, du cinéaste sénégalais Samben Ousmane. Vous permettez, mademoiselle, je n'ai jamais embrassé de négresse. Que doit-on penser de moi, Dakar ? Douana est heureuse en France, que je vis bien. Plus de 50 ans plus tard, lorsqu'en mai 2018, les 16 comédiennes du collectif « Noir n'est pas mon métier » font la montée des marches lors du Festival de Cannes, interpellant la France entière sur le manque d'inclusion du cinéma français, elles dénoncent les rôles stéréotypés proposés aux actrices noires. Un an plus tard, c'est en Afrique que voit le jour un nouveau mouvement pour dénoncer les violences sexuelles dont sont victimes les actrices, mais aussi les réalisatrices, les scénaristes et les techniciennes dans le cinéma africain. Une mobilisation qui n'aurait probablement pas eu lieu sans le mouvement MeToo et la libération de la parole des femmes qui s'en est suivie. Le marché africain du cinéma qui se tient dans le cadre du FESPACO accueillait un colloque sur la place des femmes dans le cinéma africain et de la diaspora. France Info, 28 février 2019. Le débat a pris une tournure inattendue après le témoignage de Nadège Bosson-Diagne, victime d'agressions sexuelles lors de ses débuts au cinéma. Présente aussi, la comédienne française Aïssa Maïga décide alors de prendre la parole pour évoquer l'affaire Azara Soro, cette comédienne burkinabé agressée en 2017 par le réalisateur Taïrou Tassere Ouédraogo. Alors le FESPACO, c'est le festival du cinéma panafricain qui a été créé il y a 50 ans, en 2019, 52 ans maintenant, par des pays d'Afrique, l'Afrique du Nord, etc., pour donner de la place et de la visibilité aux cinématographies du Sud. Hortense Assaga, 53 ans, féministe, parisienne et journaliste. Et donc, je suis invitée par le collectif des cinéastes non alignés qui initie une table ronde sur la place des femmes dans le 7e art sur le continent. Et donc, j'ai le plaisir effectivement de diriger, de modérer cette table ronde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de ce festival-là, comme dans de nombreux festivals, les tables rondes sont très importantes. Et là, cette année-là, pour le cinquantenaire, le focus était vraiment de faire la part belle à la situation des femmes. Et donc, cette table ronde est un rendez-vous important. D'ailleurs, oui, c'est plein. Beaucoup de femmes sont là. Et la parole se libère. C'est-à-dire que chacune raconte. Et c'est vrai que dans la presse, et c'est comme ça que moi, j'avais découvert ça, était sortie l'histoire de cette comédienne, Azata Soro, qui avait été agressée par un réalisateur de renommée au Burkina, parce qu'il faut dire que le Burkina, c'est un des pays phares du cinéma sur le continent. Et donc, ce jour-là, effectivement, à côté d'autres, elle est là pour dire toutes les atrocités qu'elle a subies. Elle a même pas besoin de dire, c'est-à-dire que quand elle arrive, elle a une espèce de pansement énorme comme ça. Parce que ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est qu'elle a vécu un tesson de bouteille, il l'a carrément défiguré. Et donc, elle témoigne, et je vous assure que j'ai rarement vu autant de larmes dans la salle, parce que ça fait résonance en chacune, parce que c'était une assemblée à majorité féminine, mais pas que, puisqu'il y a eu des hommes complètement tétanisés. Quand je fais circuler le micro, voilà, il y a de nombreux témoignages, Nathalie Vérac, Mariette Montpierre et d'autres qui témoignent. Et c'est vrai que c'est un espèce de moment comme ça, lourd, enfin carrément, j'ai envie de dire historique, parce que c'est une des premières fois, en tout cas moi je le vis comme ça, où la parole se libère, on se tient, enfin il y a une ambiance assez particulière. Et donc autour de cette comédienne que chacun veut quelque part protéger, défendre. Et donc arrive le moment de la fin où je dis qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'est-ce qu'il faut initier? Qu'est-ce qu'il faut et c'est à ce moment-là simplement que je dis je propose que maintenant ce soit les bourreaux qui aient peur et pas les victimes. Donc je propose le hashtag même pas peur. Et donc c'est comme ça très très simplement et même pas peur parce que pour moi c'est ce que j'ai envie de dire notamment au vu de tout ce qui vient de se passer quoi, au vu de tous ces témoignages de ces femmes qui ont eu peur à un moment et qui là dans l'espace d'un petit moment d'une matinée se disent non plus elles n'ont plus peur. Trente nuances de noir, la fanfare afroféministe, Clic TV. Des femmes noires qui s'organisent entre elles, c'était le propos du festival afroféministe européen Nyan Sapo, qui en mai 2017 défraye la chronique. À l'initiative du festival, le collectif afroféministe Moissy, dont Sharon Monkoy est l'une des fondatrices. Alors, Moissy en Lingala, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo et au Congo, ça veut dire femme au singulier. Sharon Omankoy. Et c'est vrai que moi, quand j'ai imaginé l'idée de faire un collectif de femmes noires, c'était en 2013. Moi, je voulais absolument créer un collectif de femmes noires, parce que je ne me retrouvais pas dans, on va dire, le paysage féministe parisien, où je sentais qu'à chaque fois la question raciale était un peu évincée ou tout simplement invisibilisée parce qu'il fallait d'abord se définir comme femme. Sauf que moi, dans ma réalité, dans ma perspective, je ne peux pas dissocier le fait d'être une femme et d'être noire. Donc les deux vont ensemble. Moi, je viens de la lutte contre le VIH. À l'époque, j'accompagnais énormément de femmes noires qui, elles, se regroupaient déjà dans des associations. Je pense notamment à Ikambéré, il y avait l'Assemblée des femmes. Et moi, je voyais des femmes noires avoir des discussions, des échanges, évidemment sur le VIH, mais sur d'autres choses de la vie quotidienne, sur le racisme qu'elles pouvaient rencontrer à la préfecture, des difficultés aussi au sein du couple, au sein de la famille, à se faire entendre aussi en tant que femme, face à son mari, face à son grand frère, l'éducation des enfants. Et je me suis dit, les aînés ont laissé des choses, créent des choses, font des choses. Elles se définissent pas nécessairement comme féministes, mais il y a quelque chose de féministe dans leur démarche. Et moi, je voulais vraiment avoir la possibilité de créer ça avec des jeunes femmes. Ce qui m'intéressait, c'était de réunir des femmes noires, qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse réfléchir ensemble aux revendications qu'on pouvait porter ensemble, aux stratégies qu'on pouvait mettre en place aussi, face aux discriminations auxquelles on était confrontés, aux oppressions. Et puis c'était aussi d'avoir des réflexions aussi plus larges sur des choses qui sont peut-être plus spécifiques à nos communautés, qu'on n'arriverait peut-être pas à évoquer devant des personnes blanches. Ça me semblait plus pertinent de faire ça ensemble. Les quelques ateliers non mixtes pour femmes noires annoncés dans la programmation font l'objet d'une campagne raciste menée par des militants d'extrême droite, laissant à penser que c'est un festival interdit aux Blancs. À tel point que le 28 mai, soit deux mois avant la tenue du festival prévu du 28 au 30 juillet 2017, la maire de Paris, Anne Hidalgo, reprenant un tweet de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, condamne l'organisation à Paris d'un événement interdit aux Blancs et annonce sur Twitter qu'elle va en demander l'interdiction et saisir le préfet de police en ce sens. Elle se réserve également la possibilité de poursuivre les initiateurs du festival pour discrimination. 24 heures plus tard, elle annonce toujours sur Twitter que suite à son intervention ferme auprès des organisateurs, une solution claire a été établie. Le festival organisé dans un lieu public sera ouvert à tous. Des ateliers non mixtes se tiendront ailleurs, dans un cadre strictement privé. Ce qui était prévu depuis le début par les organisatrices du festival. toute la polémique a quand même été assez importante sur les réseaux sociaux, m'a quand même laissé un peu dubitative, choquée par la mauvaise foi de ces militants d'extrême droite, parce qu'on a voulu faire croire en fait au grand public qu'il s'agissait d'un festival avec des ateliers interdits aux blancs. Aïchatou Ouattara. C'est une malhonnêteté actuelle, parce qu'en fait les ateliers en question, et certains ateliers en tout cas, étaient réservés aux femmes noires. Et je pense que les mots sont importants. C'est-à-dire que en tant qu'homme noir, un homme noir n'aurait pas pu assister, un homme asiatique, une femme indienne, etc. Mais ces gens-là sont restés sur le fait que des personnes blanches ne pourraient pas être là, en fait. Quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que les personnes blanches doivent être partout. Donc, en fait, personne n'en a vécu, en fait, de savoir qu'un homme noir ou un homme maghrébin ou une femme asiatique ne pouvait pas être à ces ateliers. C'était le fait que des personnes blanches ne pouvaient pas être présentes. La non-mixité qui a été dénoncée, conspuée en disant que c'était une forme de ségrégation, du racisme inversé, etc. C'est un outil dans les milieux militants qui existe depuis toujours, en fait, qui est même utilisé par des associations féministes qui sont financées par la ville de Paris, qui voulait interdire le dit festival. Quelque part, moi, je trouve que ce que ça a dit de cette question, c'est que, un, ça dérange quand les personnes, en tout cas noires, décident de s'autodéterminer, de s'auto-organiser et de pouvoir discuter entre elles. Ça pose problème parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette présence blanche, en fait. Il faut que les blancs pensent qu'ils doivent avoir accès à tout, doivent pouvoir être partout. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que ça a pensé, c'est que, en fait, le problème racial est un problème épidermique, en fait. Ça hérisse les gens, ça rend les gens dingues. Le but de cet atelier n'était surtout pas de faire de la ségrégation ou alors de diviser. Et d'ailleurs, je voudrais dire que la vraie ségrégation, c'est cette ségrégation sociale, économique qu'on vit tous les jours. Et ça, bizarrement, personne ne dit rien. Voilà. Ce qui se joue là-dedans, c'est la question des rapports de pouvoir. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en particulier vis-à-vis des femmes noires, que ce soit les féministes blanches, que ce soit les mouvements de gauche, etc., on a été dans un rapport qui était très paternaliste ou maternaliste ou fraternaliste, comme le disait Césaire en 56 quand il a quitté le PCF pour les mêmes raisons, qui est qu'on va déterminer pour nous ce qui sont les conditions de notre émancipation. Amandine Gay. Donc dans le cas de Nyan Sapo, des femmes noires décident d'organiser un événement à leurs conditions. Donc l'enjeu, c'est pourquoi est-ce que certains groupes donnés considèrent qu'ils ont accès constant, immuable, qu'ils ont le droit d'être là et que nous avons le devoir d'accepter leurs conditions en permanence. C'est ça qui s'est joué en fait avec le festival Nyan Sapo, mais qui était une chose qui se jouait déjà depuis entre au moins 5 ans avant. 2014, c'est la grosse controverse autour du spectacle d'Exhibit B, qui était donc le spectacle de Brett Bailey, un metteur en scène sud-africain qui avait décidé de représenter les Noirs dans l'histoire coloniale et esclavagiste, mais dans des postures où les Noirs n'avaient pas la parole. Et en plus, c'était une mise en scène où les personnes étaient justement chosifiées, c'est-à-dire que elles avaient zéro agentivité, elles étaient représentées un peu comme dans une installation muséale. Donc ça faisait un moment que ça bouillonnait. Et donc je pense que le point culminant que ça a atteint en 2017, c'est parce que ça arrive dans l'espace public. Pour les personnes blanches, c'est un crime de lèse-majesté qu'on décide de s'organiser entre femmes noires pour, en plus des ateliers, en l'occurrence, ce qui n'était pas ouvert à tout le monde, c'était sur les cheveux. Alors j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les cheveux crépus ou frisés, avez-vous vraiment besoin de venir à un atelier du festival Nyan Sapo? Je ne sais pas, je ne pense pas. Dans les milieux féministes, on dit souvent, le meilleur moyen de faire venir des hommes aux manifestations féministes, c'est de dire qu'elles sont en non-mixité. Parce que alors, quand elles ne sont pas en non-mixité, ils ne sont pas là. Donc l'enjeu, ce n'est pas en fait de rejoindre la lutte même. Ce n'est pas de se dire « Ah oui, mais on aurait tellement aimé échanger avec les femmes noires ». L'enjeu, c'est juste l'accès. C'est de pouvoir déterminer ce que nous, les minoritaires ou les minorisés, avons le droit ou non de faire et de comment est-ce qu'on peut s'organiser ou pas. Et est-ce qu'on a bien demandé l'autorisation avant au groupe majoritaire? Et si on décide de ne pas le faire, il y aura des conséquences et c'est ce qui s'est passé au moment de cette polémique. Moi, j'ai vu tout ça d'un regard extérieur et en même temps très proche de certaines aussi militantes de l'époque. Ouais. À titre personnel, moi, je l'ai mal vécu. Je l'ai très mal vécu et j'ai eu même un passage vraiment au niveau de ma santé mentale qui a été très, très, très compliqué. C'est un épisode que j'ai mal vécu parce que du coup, ma famille, c'est rare que j'en parle, mais ma famille, moi, a vu ça, a vu les commentaires sur Internet, ils ont eu peur, on a commencé à... Enfin voilà, c'est à ma modeste place. Je n'imagine même pas ce que les militantes de l'époque organisant l'événement ont dû gérer Ça a dû être aussi très difficile. Mais c'est pour dire aussi que voilà, ce sont des luttes qui sont aussi dans nos chairs et qui touchent aussi nos familles, nos proches. Donc c'est vrai que ça a été un moment difficile, mais je suis contente que ce festival ait eu lieu, qu'il y ait eu une deuxième édition, et voilà. De la vengeance, le rendre dans la paresse c'est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse c'est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo, solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo, solo, solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 années de l'indépendance. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo, solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. Solo, solo. À de très rares exceptions, ma bibliothèque ne comporte pas d'ouvrages d'hommes, encore moins d'auteurs africains. C'est mon amie Clara qui m'a recommandé la lecture de photos de groupe au bord du fleuve. Depuis, l'ouvrage de Manuel Dongala et sa galerie de portraits de femmes noires combatives trônent fièrement sur mes étagères. Des personnages et un récit de force et de bravoure incarnés par des femmes africaines, inspirées à l'auteur par sa propre mère. Je lui ai dédié ce livre parce qu'elle représente pour moi toutes ces femmes dans photos de groupe, qui souffrent, qui travaillent, qui se battent, mais restent debout. Je m'appelle Emmanuel Dongala. Je suis né en 1941 de père congolais et de mère centrafricaine. Je suis chimiste de formation et écrivain. Au départ, je ne pensais pas du tout à écrire un livre sur les femmes parce que je ne m'en croyais pas capable. C'est mon expérience pendant la guerre civile que nous avons au Congo en 97-98. C'était vraiment terrible. Hein. Il y avait les miliciens partout, des pillages, des meurtres, des viols. Alors, j'ai fui avec ma famille dans la forêt parce que on marchait pour aller vers Pointe-Noire. Alors, j'ai vu tous ces gens qui couraient, nous tous, hein, on souffrait vraiment marcher dans la forêt, il n'y avait rien à manger. Mais Ce que j'avais constaté, c'est que nous, les hommes, on souffrait aussi, bien sûr, mais on fuyait pratiquement les mains dans les poches. Alors que les femmes, elles étaient là et portaient des lourds fardeaux sur la tête, et les enfants dans le dos. Porter des enfants dans le dos et puis chercher à manger. Et en plus, ils étaient victimes de ces crimes, de ces violences spécifiques aux femmes, les viols par exemple, tout ça. Et je me suis rendu compte que même nous souffrions tous, mais les femmes vraiment souffraient beaucoup plus que nous les hommes. Alors, tout d'un coup, j'ai eu vraiment quelque chose comme une soudaine révélation sur le problème des femmes. Avant, bien sûr, j'étais comme tout le monde, oui, pour l'égalité des femmes, etc. Mais c'était beaucoup plus souvent une posture intellectuelle. Mais là, en voyant la souffrance de ces femmes, j'ai eu une révélation soudaine. Non, non, non, il faut vraiment que je rende hommage à ces femmes. Alors, c'est grâce à elles que nous avons survécu. Lorsque je demande à Emmanuel Dongala quel rôle peuvent jouer, selon lui, les hommes dans l'émancipation des femmes, comment ils peuvent devenir des alliés, si ce n'est des complices, des filles et des femmes noires, et agir en faveur d'une société plus égalitaire? Qu'on ne s'y trompe pas, l'émancipation des femmes ne viendra pas des hommes. L'histoire nous a appris qu'aucun peuple opprimé n'a été libéré par la bonne grâce de ses dominateurs. Donc méfiez-vous des hommes, de nous, de tous ces intellectuels qui ne cessent de proclamer partout leur attachement à l'égalité entre hommes et femmes. Ouais. Mais lorsqu'ils sont acculés, poussés dans leur dernier retranchement, le masque craque assez vite. Hein. Il faut les voir, une fois qu'ils sont acculés, est-ce que vraiment ils pratiquent ce qu'ils prêchent, quoi. Archive Mariam Abba, Mille Soleils. RFI. Je voudrais vraiment que ma voix soit la voix de toutes les femmes dont les voix ont été étranglées, toutes les voix eh bien, soumises. Je voudrais que tout ce qui est eu éclate par ma voix. De tout temps, dans toutes les familles, il y a eu une fillette, une jeune fille, une femme jeune ou d'âge mûr qui a refusé le script qui était en vigueur et a souhaité faire autrement. Ma mère a été la première à acter sa rébellion, contrairement à sa mère et sa grand-mère avant elle. Elle l'a acté en quittant l'homme qu'elle n'avait pas choisi, père de ses fils, et en choisissant un compagnon avec lequel elle a eu une fille, moi. Je ne pourrais pas être autre chose que féministe, pas avec une mère comme ça, pas en étant la fille d'une femme de cette trempe. Le féminisme ne peut pas être une théorie pour moi. Il a un visage, des traits, une voix, avec un accent léger, chic, difficile à identifier si vous ne parlez pas ma langue maternelle. Le féminisme ressemble à ma mère. Il ne ressemble ni à Simone, ni à Virginia, ni à Anaïs, ni même à Maya, mais à une femme noire qui m'a donné le jour. Et chaque jour que Dieu fait, j'essaye de vivre pleinement ce qu'elle a rendu possible pour moi. Lire, écrire, choisir et jouir. Et je fais un rêve, qu'il puisse en être de même pour toute petite fille venant aujourd'hui à naître sur le continent. J'aimerais qu'elle vive dans un monde où être femme n'est plus un problème, mais une identité, une ambition, une envie. Qu'elle aille le plus loin possible pour avoir les meilleurs diplômes, avoir la meilleure formation. C'est cela qui va être sa clé, qui va lui permettre de revendiquer ses droits, mais surtout de se rebeller contre l'ordre patriarcal qui est encore dominant dans nos pays, en Afrique. Je lui souhaite déjà, en grandissant, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle croie en elle, qu'elle ait le pouvoir de pouvoir aller à l'école et très loin dans ses études, de se marier avec qui elle veut et de se soigner correctement. Mmh. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé. Qu'elle sache qu'elle est un être humain à part entière. Mais il ne faut jamais, jamais qu'elle s'aplatisse devant qui que ce soit. Jamais. Ça n'apporte rien. Just a little jeans and a pure white tee. She never dreamed forever be nobody wifey. Je lui dirais, sois toi-même. N'aie pas peur de tout ce qu'on dira autour de toi. Je lui dirais qu'elle n'ait pas peur d'être une femme. Je lui dirais que être une femme n'est pas une humiliation. Que sa voix compte. Que le féminin est beau. Le féminin est fort. Je lui dirais qu'elle n'a prouvé à personne qu'elle est une femme africaine à partir du moment où Dieu lui a permis de naître avec cette couleur. Elle est tout à fait légitime sur ce continent. Avec Sharon Mankoy, Aïchatou Ouattara, Amandine Gay, Traoré Bintou Mariam, Diakouba Gassama, Pamela Oene Niako, Paola Audrey Dengue, Djali Amadou Amal, Jennifer Pachemi, Hortense Assaga, Emmanuel Dongala, Fatousso, Marie-Angélique Savané, Kadi Koïta, Eliane Aïssi, Penaï Traoré, Diretou Diallo. Je lui souhaiterais de pouvoir rentrer dans une pharmacie, acheter une contraception sans craindre les regards du pharmacien ou être traité de dévergondée ou de machin. Je lui souhaiterais de pouvoir avorter, si elle veut avorter, de s'exprimer sans culpabilisation, sans justification et de prendre la place qui lui revient de droit. Je lui dirais, quelle chance tu as, tu es née en Afrique, c'est le plus beau des continents, c'est le continent qui a le plus d'avenir. Eh bien, lève-toi, étudie, aie confiance en toi, prends ta place et voilà, profite de la vie. Wish you could trade eyes with me, cause there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds. Pick me like the earth, you be giving birth to everything alive, baby, know your worth. Prise de son, Éric Boissé, Olivia Branger, Fabien Capel, Inès De Bruyne, Catherine Dérété, Dauphar Guéride, Hélène Langlois, Marie Le Peintre, Philippe Mercher, Bruno Mourlan, Claude Nior. Mixage, Cédric Châtelus. Bienvenue dans un monde où tu vas pouvoir choisir ta vie, être éduqué, choisir avec qui tu veux vivre, choisir ta liberté, ta sexualité, choisir ton travail. Bienvenue sur un continent où les choses auront changé, où les mentalités te feront davantage de place. Je lui dirais bienvenue dans un monde plus juste et plus égal. Coordination, Marie-Vonne à Bolivier et Perrine Kervran. Je suis noire et je n'aime pas Beyoncé, une série d'Axel Jeanne J.K. Fais